Y'a ma petite qui est bien malade, elle est là dans son lit, son bateau reste en rade depuis bientôt deux nuits. C'est la fièvre qui la bouffe de ses dents, par dedans. Ma doudou fait quelque chose du fond de son sommeil, comme une métamorphose pour un nouveau réveil. La fièvre c'est comme ça, ça nettoie, c'est violent. Ton petit corps trop blanc dans ce lit tout blanc, immobile dehors, si mobile dedans. C'est du feu pis des braises attisées par le vent. Et moi je reste là à te regarder, livrer ton dernier combat, mais ton épée est cassée. Et ce fond qui ruisselle de l'eau et puis du sel. Oh, tu vas pas partir, me laisser tomber. On a des trucs à se dire et à se montrer. Demain ça ira mieux si tu veux. Hé hey docteur, donne-moi un bon médicament. Fais-lui un tour à toi qui réchauffe le sang. Mon bébé va trop mal, son petit cœur qui fout le camp. Ce lit tout blanc, immobile dehors, si mobile dedans. C'est du feu pis des braises attisées par le vent. Y'a ma petite qui est bien malade, elle est là dans son lit, son bateau reste en rade depuis bientôt deux nuits. C'est la fièvre qui la bouffe de ses dents.